Chapitre 13. L'escapade. Maman, papa. La plume d'oie resta longtemps suspendue sur le papier après avoir griffonné ces deux petits mots. Ophélie ne savait tout simplement pas quoi ajouter. Elle n'avait jamais eu l'art, ni à l'oral ni à l'écrit, d'exprimer ce qui la touchait de près, de définir précisément ce qu'elle ressentait. Ophélie plongea son regard dans les flammes de la cheminée. Elle s'était assise sur la fourrure du petit salon avec pour écritoire un repose-pied en tapisserie. Près d'elle, son écharpe s'était roulée paresseusement sur le sol, comme un serpent tricolore. Ophélie revint à sa lettre et retira le cheveu qui était tombé sur la feuille. Il lui semblait que c'était encore plus difficile avec ses parents. Sa mère avait une personnalité envahissante qui ne laissait de place à rien d'autre qu'elle-même. Elle parlait, elle exigeait, elle gesticulait, elle n'écoutait pas. Quant à son père, il n'était que l'écho faiblard de sa femme, toujours à l'approuver du bout des lèvres sans lever le nez de ses souliers. Ce que la mère d'Ophélie voudrait lire dans cette lettre, c'était l'expression d'une profonde gratitude et les premiers potins de cour qu'elle pourrait répéter ensuite à l'envi. Ophélie n'écrirait pourtant ni l'un ni l'autre. Elle n'allait tout de même pas remercier sa famille de l'avoir expédiée à l'autre bout du monde, sur une arche aussi sulfureuse. Quant aux potins, elle n'en avait aucun à raconter et c'était vraiment le cadet de ses soucis. Elle attaqua donc son courrier par les questions d'usage. « Comment allez-vous tous? Avez-vous trouvé quelqu'un pour me remplacer au musée? Le grand-oncle sort-il un peu de ses archives? Mes petites sœurs travaillent-elles bien à l'école? Avec qui Hector partage-t-il la chambre maintenant ?» En écrivant cette dernière phrase, Ophélie se sentit soudain toute drôle. Elle adorait son frère. Et la pensée qu'il grandirait loin d'elle, qu'elle lui deviendrait étrangère, lui glaça le sang. Elle décida que c'était assez pour les questions. Elle humecta sa plume dans l'encrier et prit une inspiration. Devait-elle leur parler un peu de son fiancé et de ses rapports avec lui? Elle n'avait pas la plus petite idée de la personne qu'il était réellement. Un ours mal léché, un important fonctionnaire, un vil meurtrier, un homme de devoir, un bâtard déshonoré dès la naissance. C'était trop de facettes pour un seul homme et elle ne savait à laquelle, en définitive, elle serait bientôt mariée. « Nous sommes arrivés hier, le voyage s'est bien déroulé », écrivit-elle lentement à la place. En cela, elle ne mentait pas, mais elle taisait l'essentiel. L'avertissement de Thorne sur le dirigeable, leur mise au secret dans le manoir de Bérénilde, les petites guerres de clans. Et puis, il y avait la porte au fond du parc par laquelle ils étaient arrivés la veille. Ophélie y était retournée et l'avait trouvée verrouillée. Quand elle avait demandé la clé à un domestique, on lui avait répondu qu'il n'avait pas le droit de la lui donner. En dépit des courbettes des serviteurs et des manières délicieuses de Dame Bérénilde, elle se sentait prisonnière et elle n'était pas certaine de pouvoir l'écrire. « Voilà !» s'écria la tante Roseline. Ophélie se retourna. Assise à un petit secrétaire, très droite, sur sa chaise, la marraine reposa sa plume sur son support en bronze et plia les trois feuilles qu'elle venait de noircir d'encre. « Vous avez déjà fini ?» s'étonna Ophélie. « Oh que oui ! J'ai eu toute la nuit et toute la journée pour réfléchir à ce que j'allais écrire. Les doyennes vont entendre parler de ce qui se trame ici. Tu peux me faire confiance ?» À force de laisser sa plume en suspens sur sa lettre, Ophélie déposa une tache d'encre étoilée au beau milieu d'une phrase. Elle appliqua un buvard dessus et se leva. Elle contempla pensivement la délicate horloge de cheminée qui battait les secondes avec un tic-tac cristallin. Bientôt 9 heures du soir, et toujours aucune nouvelle, ni de Thorne, ni de Bérénilde. Par la fenêtre, toute brune de nuit, on ne voyait plus rien du parc. La lumière des lampes et de la cheminée y réfléchissait le petit salon comme dans un miroir. « Je crains que votre lettre ne quitte jamais le pôle, » murmura-t-elle. « Pourquoi dis-tu une chose pareille ?» se scandalisa Roseline. Ophélie posa un doigt sur sa bouche pour l'inciter à parler moins fort. Elle s'approcha du secrétaire et retourna entre ses mains l'enveloppe de sa tante. « Vous avez entendu Dame Bérénilde ?» chuchota-t-elle. « C'est à Monsieur Thorne qu'il nous faudra remettre nos lettres. Je n'ai pas la naïveté de croire qu'il le fera sans veiller à ce que le contenu ne contrarie pas leur projet. » La tante Roselyne se leva brusquement de sa chaise et baissa sur Ophélie un regard aigu, un tantinet étonné. La lumière de la lampe rendait son teint plus jaune qu'il ne l'était déjà au naturel. « Nous sommes donc absolument seuls ? C'est cela que tu es en train de me dire ?» Ophélie hocha la tête. Oui, c'était son intime conviction. Personne ne viendrait les chercher, les doyennes ne reviendraient pas sur leur décision. Il leur fallait tirer leurs épingles du jeu, si complexe fut-il. « Et cela ne t'effraie pas ?» demanda encore la tante Roselyne, avec des yeux mi-clos pareils à ceux d'un vieux chat. Ophélie souffla de la buée sur ses lunettes et les briqua contre sa manche. « Un peu, » avoua-t-elle. « En particulier ce qu'on ne nous dit pas. » La tante Roselyne serra les lèvres, même ainsi ses dents chevalines débordaient. Elle considéra son enveloppe un instant, la déchira en deux et se rassit à son secrétaire. « Très bien, » soupira-t-elle en reprenant la plume. « Je vais essayer d'être plus subtil, même si ces finasseries ne sont pas mon fort. » Quand Ophélie reprit place à son tour devant son repose-pied, la tante ajouta d'un ton sec. « J'ai toujours cru que tu étais comme ton père, sans personnalité ni volonté. Je me rends compte que je te connaissais bien mal, ma fille. » Ophélie contempla longuement la tache d'encre sur sa lettre. Elle n'aurait su dire pourquoi, mais ses paroles l'avaient réchauffée d'un coup. « Je suis heureuse que tante Roselyne soit là, » écrivit-elle à ses parents. « La nuit est tombée, » commenta sa marraine avec un regard désapprobateur pour la fenêtre. « Et nos hôtes qui ne sont pas encore rentrés. J'espère qu'ils ne vont pas nous oublier complètement. La grand-mère est charmante, mais elle est tout de même un peu gâteuse. » « Ils sont soumis au rythme de la cour, » dit Ophélie avec un haussement d'épaule. Elle n'osa pas faire allusion à la partie de croquet où s'était rendue Brénilde. Sa tante aurait trouvé infamant qu'on leur préférât des jeux d'enfants. « La cour !» souffla Roselyne en grattant le papier de sa plume. « Un bien joli mot pour désigner une grotesque scène de théâtre où les coups de poignard se distribuent dans les coulisses. Quitte à choisir, je crois que nous sommes mieux ici, bien à l'abri de ces toqués. » Ophélie fronça les sourcils en caressant son écharpe. Sur ce point, elle ne partageait pas le sentiment de sa tante. L'idée d'être privée de sa liberté de mouvement lui faisait horreur. On la mettait d'abord en cage pour la protéger, puis un jour la cage deviendrait prison. Une femme confinée chez elle avec pour seule vocation de donner des enfants à son époux, c'est ce qu'on ferait d'elle si elle ne prenait pas son avenir en main dès aujourd'hui. Vous ne manquez de rien ? « Mes chères petites !» Ophélie et Roselyne levèrent le nez de leur correspondance. La grand-mère de Thorne avait ouvert la porte à deux battants si discrètement qu'elle ne l'avait pas entendu entrer. Elle évoquait vraiment une tortue avec son dos bosselé, son cou tout flétri, ses gestes lents et ce sourire ridé qui lui fendait le visage de part en part. « Non, merci, madame !» répondit la tante Roselyne en articulant bien fort. « Vous êtes bien aimable. » Ophélie et sa tante s'étaient aperçues que si elles avaient parfois du mal à comprendre l'accent du Nord, l'inverse était également vrai. La grand-mère paraissait parfois un peu perdue quand elle parlait trop vite. « Je viens d'avoir ma fille au téléphone, » annonça la vieillarde. « Elle vous prie de l'excuser, mais elle a été retenue. Elle rentrera demain, dans la matinée. » La grand-mère secouait la tête d'un air gêné. « Je n'aime pas beaucoup toutes ces mondanités auxquelles elle croit devoir assister. Ce n'est pas raisonnable. » Ophélie releva de l'inquiétude dans le son de sa voix. Bérénilde prenait-elle aussi des risques en paraissant à la cour ?« Et votre petit-fils » demanda-t-elle. « Quand rentrera-t-il » En vérité, elle n'était pas pressée de le revoir. Aussi la réponse de la vieille femme la combla d'aise. « Ma pauvre enfant, c'est un garçon tellement sérieux. Il est tout le temps affairé, sa montre à la main, à ne jamais tenir en place. C'est à peine s'il prend le temps de se nourrir. J'ai peur que vous ne le voyiez jamais qu'en coup de vent. Nous aurons du courrier à lui remettre, dit la tante Roseline. Il faudra donner en retour à notre famille l'adresse où elle pourra nous joindre en retour. La grand-mère d'Odelina de la Tête tentait si bien qu'Ophélie se demanda si elle n'allait pas finir par la rentrer dans ses épaules comme une tortue au fond de sa carapace. Il était midi passé le lendemain quand Bérénilde rentra au manoir et s'effondra au fond de sa duchesse en réclamant du café. « Les chaînes de la cour, ma petite Ophélie !» s'exclama-t-elle quand celle-ci vint la saluer. « Vous ne connaissez pas votre bonheur. Pouvez-vous me passer ceci, je vous prie ?» Ophélie avisa un joli petit miroir sur la console qu'elle lui désignait et le lui remit, après avoir failli le faire tomber par terre. Bérénilde se redressa sur ses coussins et examina d'un œil inquiet la petite ride à peine visible qui s'était imprimée dans la poudre de son front. « Si je ne veux pas m'en laider tout à fait, je vais devoir prendre du repos. » Un domestique lui servit la tasse de café qu'elle lui avait réclamée, mais elle la repoussa d'un air écœuré, puis elle adressa à Ophélie et à la tante Roseline un sourire las. « Je suis navrée. « Vraiment navrée, » dit-elle en faisant rouler sensuellement ses airs. « Je ne pensais pas m'absenter si longtemps. Vous ne vous êtes pas trop languie, j'ose espérer. » La question était purement formelle. Bérénilde prit congé d'elle et s'enferma dans sa chambre, ce qui fit suffoquer d'indignation la tante Roseline. Les journées suivantes furent à l'avenant. Ophélie ne voyait plus guère son fiancé, saisissait Bérénilde à la volée entre deux absences, échangeait quelques politesses avec la grand-mère quand elle la croisait dans un couloir et passait le plus clair de son temps avec sa tante. Son existence s'enlisa bientôt dans une morne routine cadencée par des promenades solitaires dans les jardins, des repas avalés sans mot dire, de longues soirées à lire au salon et quelques autres trompe-ennui. Le seul événement notable fut l'arrivée des mâles un après-midi, ce qui tranquillisa quelque peu la tante Roseline. De son côté, Ophélie prenait soin d'afficher en toutes circonstances un visage résigné pour ne pas éveiller les soupçons lorsqu'elle se perdait trop longtemps au fond du parc. Un soir, elle se retira de bonne heure dans sa chambre. Quand le carillon sonna quatre coups, elle écarquilla les yeux sur le plafond de son lit. Ophélie décida que le moment était venu pour elle de se dégourdir les jambes. Elle boutonna l'une de ses vieilles robes démodées et enfila une pèlerine noire dont l'ample capuche lui avala la tête jusqu'aux lunettes. Elle n'eut pas le cœur de réveiller son écharpe qui somnolait au fond du lit, roulée en boule. Ophélie sombra corps et âme dans la glace de sa chambre, rejaillit dans le miroir du vestibule et, avec mille précautions, elle tira les loquets de l'entrée. Dehors, une fausse nuit d'étoiles surplombait le parc. Ophélie marcha sur la pelouse, mêla son ombre à celle des arbres, franchit un pont de pierre et bondit par-dessus les ruisseaux. Elle parvint jusqu'à la petite porte de bois qui coupait le domaine de Bérénilde du reste du monde. Ophélie s'agenouilla et posa sa main à plat sur le battant. Elle avait mis à profit chacune de ses flâneries dans le parc à la préparation de cet instant, à susurrer des mots amicaux à la serrure, à lui insuffler de la vie, à l'apprivoiser jour après jour. Tout dépendait à présent de sa prestation. Pour que la porte la considérât comme sa propriétaire, il lui fallait agir en tant que telle. « Ouvre-toi » chuchota-t-elle d'une voix ferme. Un déclic. Ophélie saisit la poignée. La porte, qui se tenait debout au milieu du gazon, sans rien devant ni derrière elle, bâilla sur une volée de marches. Enveloppée dans sa pèlerine, Ophélie referma la porte, s'avança dans la petite cour mal pavée et eut un dernier regard en arrière. Il était difficile de croire que cette maison décrépite dissimulait un manoir et son domaine. Ophélie s'enfonça dans le brouillard malodorant des ruelles qui perçaient péniblement la lumière des lampadaires. Un sourire lui passa sur les lèvres. Pour la première fois depuis ce qui lui paraissait une éternité, elle était libre d'aller où il lui chantait. Ce n'était pas une fuite. Elle souhaitait juste découvrir par elle-même le monde où elle s'apprêtait à vivre. Après tout, il n'était pas écrit sur son front qu'elle était la fiancée de Thorne. Pourquoi serait-elle inquiétée ? Elle se fondit dans la pénombre des rues désertes. Il faisait sensiblement plus froid et plus humide ici que dans le parc du manoir, mais elle était contente de respirer un air vrai. Avec un regard pour les portes condamnées et les façades aveugles du quartier, Ophélie se demanda si chacune de ces habitations recelait des châteaux et des jardins. Au détour d'une ruelle, elle fut arrêtée par un bruit étrange. Derrière un réverbère, un panneau de verre blanc vibrait entre deux murs. Ça, c'était une fenêtre, une véritable fenêtre. Ophélie l'ouvrit. Une rafale de neige lui entra dans la bouche et les narines, renversant sa capuche en arrière. Elle se détourna, toussa un bon coup, retint son souffle et prit appui sur ses deux mains pour se pencher au dehors. La moitié du corps au-dessus du vide, Ophélie reconnut l'anarchie des tourelles de travers, des arcades vertigineuses et des remparts désordonnés qui enflaient à la surface de la cité à ciel. Loin, en contrebas, l'eau glacée des douves étincelait, et plus bas encore, hors de portée, une forêt de sapins blancs frémissait sous le vent. Le froid était à peine soutenable. Ophélie repoussa le lourd panneau de verre, ébroua son manteau et reprit le fil de son exploration. Elle s'effaça à temps dans l'ombre d'une impasse, alors qu'un cliquetis de métal venait dans sa direction depuis l'autre bout du trottoir. C'était un vieil homme, magnifiquement paré, des bagues à chaque doigt, des perles enfilées dans sa barbe. Une canne d'argent scandait sa marche. Un roi, aurait cru Ophélie. Il avait les yeux étrangement ombrés, comme les gens sur les photographies dans la chambre d'enfant. Le vieillard approchait. Il passa devant le cul-de-sac où Ophélie s'était tapie sans remarquer sa présence. Il fredonnait, les yeux en demi-lune. Ce n'étaient pas des ombres sur son visage, mais des tatouages. Il lui recouvrait les paupières jusqu'aux sourcils. À ce moment précis, un feu d'artifice aveugla Ophélie. La chansonnette que marmonnait le vieillard explosa dans un concert de carnaval. Une foule de masques joyeux se massa autour d'elle, lui souffla des confettis dans les cheveux et s'en fut aussi brutalement qu'elle était venue, tandis que l'homme et sa canne s'éloignaient sur le trottoir. Déconcertée, Ophélie secoua ses cheveux à la recherche des confettis, n'en trouva pas, et regarda le vieil homme s'éloigner. Un tricoteur d'illusions. Il appartenait donc au clan rival des dragons. Ophélie jugea plus prudent de rebrousser chemin. Comme elle n'avait aucun sens de l'orientation, elle ne retrouva pas la route du manoir de Bérénilde. Ses venelles nauséabondes, encombrées de brouillard, se ressemblaient toutes. Elle descendit un escalier qu'elle ne se rappelait pas avoir monté, balança entre deux avenues, franchit une arche qui empestait les égouts. En passant devant des affiches publicitaires, elle ralentit le pas. « Haute couture, les doigts d'or du baron Melchior osent tout. Asthme, rhumatisme, nerfs fragiles, avez-vous pensé à la cure thermale ? Les délices érotiques de Dame Cunégonde, pantomime lumineuse, le théâtre optique du vieil Éric. » Il y avait vraiment de tout. Ophélie sourcilla quand elle tomba sur une affiche plus incongrue que les autres. « Les sabliers de la fabrique Hildegarde pour un repos bien mérité. » Elle arracha la fichette pour l'examiner de près. Elle tomba alors nez à nez sur son propre visage. Les annonces étaient placardées sur une surface réfléchissante. Ophélie oublia les sabliers et s'avança dans le couloir de publicité. Les affiches se firent plus rares, tandis que son reflet, au contraire, allait en se démultipliant. C'était l'entrée d'une galerie de glace. Vraiment inespérée, il lui suffisait d'un miroir pour regagner sa chambre. Ophélie déambula doucement au milieu des autres Ophélie, encapuchonnées dans leurs pèlerines, les yeux un peu égarés derrière leurs lunettes. Elle se prit au jeu du labyrinthe, suivit le dédale de miroir et s'aperçut bientôt que le sol avait changé d'aspect. Les pavés de la rue avaient cédé la place à un beau parquet ciré, couleur de violoncelle. Un éclat de rire figea Ophélie sur place et, avant qu'elle n'eût le temps de réagir, le triple reflet d'un couple l'encercla. Elle fit ce qu'elle faisait le mieux au monde, elle ne parla pas, ne s'affola pas, n'esquissa aucun geste qui pût attirer l'attention. L'homme et la femme, magnifiquement vêtus, la frôlèrent sans se soucier d'elle. Ils portaient des loups sur le visage. Et monsieur votre mari, ma chère cousine ? Badina le gentilhomme en couvrant de baisers les bras gantés. Mon époux, il dilapide notre fortune au bridge, bien évidemment. Veillons dans ce cas à lui donner un peu de chance. Sur ces mots, l'homme emporta sa compagne au loin. Ophélie demeura immobile un instant, encore incrédule d'être passée si facilement inaperçue. Quelques pas encore, et la galerie de glace déboucha sur des galeries supplémentaires de plus en plus complexes. Bientôt, d'autres reflets se mêlèrent aux siens, la noyant dans une foule de dames voilées, d'officiers en uniforme, de chapeaux à plumes, de messieurs en perruquets, de masques en porcelaine, de coupes de champagne, de danses folles. Tandis qu'une musique enjouée entonnait une valse, Ophélie comprit qu'elle était en train d'évoluer au milieu d'un bal costumé. Voilà pourquoi elle ne s'était pas fait remarquer sous sa pèlerine noire. Elle aurait aussi bien pu être invisible. Ophélie noircit ses lunettes par précaution, puis elle poussa l'audace jusqu'à attraper au vol sur le plateau d'un domestique une coupe pétillante pour étancher sa soif. Elle longea les glaces, prête à se fondre dans son reflet à tout instant, et posa un regard plein de curiosité sur le bal. Elle écoutait les conversations de toutes ses oreilles, mais elle déchanta vite. Les gens se disaient des petits riens, faisaient de l'esprit, s'amusaient à se séduire. Ils n'abordaient aucun sujet véritablement sérieux, et certains avaient un accent trop prononcé pour qu'Ophélie les comprît bien. En vérité, ce monde extérieur dont on l'avait sevré tout ce temps ne semblait pas aussi menaçant qu'on le lui avait dépeint. Elle avait beau aimer le calme et tenir à sa tranquillité, ça lui faisait du bien de voir de nouveaux visages, fussent-ils masqués. Chaque gorgée de champagne lui étincelait sur la langue. Elle mesurait, au plaisir qu'elle prenait à être parmi ces inconnus, à quel point l'atmosphère oppressante du manoir lui avait pesé. « Monsieur l'ambassadeur !» appela une femme tout près d'elle. Elle portait une somptueuse robe à vertu gadin et un face-à-main de nacre et d'or. Adossée à une colonne, Ophélie ne put s'empêcher de suivre des yeux l'homme qui venait dans leur direction. Était-il un descendant de cette ambassadrice que l'aïeule Adélaïde avait citée tant de fois dans son carnet de voyage? Une redingote miteuse, des mitaines trouées, un gibus crevé. Son costume tranchait insolemment sur les couleurs festives et tapa l'œil de la fête. Il allait sans masque, à visage découvert. Ophélie, d'ordinaire peu sensible au charme masculin, dut au moins reconnaître à celui-ci qu'il n'en était pas dépourvu. Cette figure honnête, harmonieuse, plutôt jeune, parfaitement imberbe, trop pâle peut-être, semblait s'ouvrir sur le ciel tant ses yeux étaient clairs. L'ambassadeur s'inclina poliment devant la femme qu'il avait interpellée. « Dame Olga !» la salua-t-il en se découvrant. Quand il se redressa, il eut un regard oblique qui traversa les lunettes sombres d'Ophélie tout au fond de sa capuche. La coupe de champagne faillit lui tomber des mains. Elle ne scia pas, ne recula pas, ne se détourna pas. Elle ne devait rien faire qui pût trahir sa posture d'intruse. Le regard de l'ambassadeur glissa négligemment sur elle et revint à Dame Olga, qui lui claquait gentiment son éventail sur l'épaule. « Ma petite fête ne vous distrait-elle pas? Vous restez seule dans votre coin comme une âme en peine. »« Je m'ennuie, » dit-il sans détour. Ophélie fut soufflée par sa franchise. Dame Olga libéra un rire qui avait une sonorité un peu forcée. « Assurément, ça ne vaut pas les réceptions du clair de lune. Tout ceci est un peu trop sage pour vous, je présume. » Elle baissa à demi son face-à-main de façon à laisser paraître ses yeux. Il y avait de l'adoration dans le regard qu'elle posa sur l'ambassadeur. « Soyez mon cavalier, » proposa-t-elle d'une voix roucoulante. « Vous ne vous ennuierez plus. » Ophélie se figea. Cette femme portait sur les paupières les mêmes tatouages que le vieil homme qu'elle avait croisé plus tôt. Elle considéra la foule de danseurs autour d'elle. Tous ces masques cachaient-ils cette marque distinctive? « Je vous remercie, Dame Olga, mais je ne peux pas rester, » déclina l'ambassadeur avec un sourire énigmatique. « Oh !» s'exclama-t-elle très intriguée. « Seriez-vous attendu ailleurs ?»« En quelque sorte. » « Il y a beaucoup trop de femmes dans votre vie !» le gronda-t-elle en riant. Le sourire de l'ambassadeur s'accentua. Un grain de beauté entre les sourcils lui donnait une expression étrange. « Il y en aura encore une autre, ce soir. » Ophélie ne lui trouva pas un visage si honnête que cela, tout bien considéré. Elle se fit la réflexion qu'il était grand temps pour elle de regagner son lit. Elle reposa sa coupe de champagne sur une desserte, se fraya un chemin au milieu des danses et des froufrous, puis replongea dans les galeries de glace prêtes à s'engouffrer dans le premier miroir venu. Une poigne ferme autour de son bras la fit pivoter sur ses souliers. Désorientée parmi toutes les Ophélies qui tournoyaient autour d'elle, elle finit par loucher sur le sourire que le bel ambassadeur penchait sur elle. « Je me disais aussi qu'il était impossible que je ne reconnaisse pas le visage d'une femme, » déclara-t-il le plus tranquillement du monde. « À qui ai-je l'honneur, petite demoiselle ? »